Le Terminus, émission numéro 20. Bonjour, ici Jean-François. Aujourd'hui, vous entendrez une nouveauté de Parlour, mais aussi la musique de The Horrors et aussi de Elephantine. Je vous parlerai aussi du Festival Pop Montréal qui se terminait la fin de semaine dernière. On commence tout de suite avec des Twilight Sad, un groupe écossais qui faisait apparaître le 27 septembre un maxi contenant deux remixes et deux nouvelles pièces, qui en fait sont deux chansons qui n'avaient pas été retenues sur leur dernier album Forget the Night Ahead, mais qui auraient aussi bien pu y être. Pour la chanson-titre de Wrong Car, le groupe a produit un vidéoclip mettant en vedette une marionnette qui se promène dans la ville. J'imagine que celle-ci n'a pas eu droit à son cachet de l'UDA. L'autre nouvelle chanson s'appelle Throw Yourself in the Water Again, et elle détonne pas vraiment dans le répertoire de Twilight Sad. On a encore la même superposition de guitare distordue et l'accent scottish du chanteur James Graham, mais on aime ça. Voici donc Throw Yourself in the Water Again de Twilight Sad. Shadows move when you're around.

mère, Little Cheap Dactophone de Belgique avec What Are You Waiting For de l'album The Tragic Tale of a Genius qui est sorti en mars dernier. Ils étaient en première partie des Montréalais de The Dears le 1er octobre à la mission Santa Cruz. C'était dans le cadre du festival Pop Montréal qui se tenait du 29 septembre au 3 octobre. Pendant ces 5 jours-là, environ 300 groupes ont joué dans différentes salles de la ville de Montréal, des salles comme le National ou la Sala Rossa, mais aussi des endroits plutôt inusités comme la Maison Notmune ou la Fédération Ukrainienne, qui est une église. Avec certains soirs où 10 concerts ont lieu en même temps, les organisateurs n'ont pas eu d'autre choix que de redécouvrir des salles oubliées de Montréal, souvent avec beaucoup de cachets, mais aussi avec de grands défis pour le gars du son. Pour revenir à The Dears, je dois sûrement pas être le seul à avoir été déçu d'entendre les nouvelles chansons dans la salle paroissiale d'à côté et non dans l'église de la mission Santa Cruz. Pourtant, en 2009, l'expérience des Dears à l'église Saint-James avait été plus que concluante. Enfin, côté musique, on a d'abord eu droit à l'intégrale de leur 6e album qui sortira en janvier prochain. C'est toujours un peu risqué comme exercice puisque le public entend pour la première fois les chansons, mais on connaissait quand même déjà l'excellente Omega Dog qui circule sur Internet depuis quelques semaines, qui ouvrait le spectacle et qui devrait donc ouvrir le disque. Je vais sûrement attendre le disque pour m'en faire une idée, mais on peut déjà dire que le retour du guitariste Patrick Creef se fait sentir. Lui qui, pour la première fois, coécrit les chansons avec Murray Lightburn. Donc en résumé, les solos de guitare endiablés seront beaucoup plus présents sur l'album, mais l'album a semblé aussi ratissé pas mal large. Il reste à voir si ça va être cohérent sur disque. Dans le bloc avant My Little Cheap Dactophone, vous entendiez Time to Listen des Californiens Film School, qui était aussi à Pop Montréal, à la Sala Rossa cette fois-ci, le dimanche 3 octobre. Dû à des problèmes à la frontière, le groupe a joué avec plus d'une heure de retard devant une poignée de spectateurs. C'est malheureux, mais ça a permis au groupe qui jouait avant, The Depreciation Guild et The Receivers, d'obtenir plus d'attention du public. Pour The Depreciation Guild, qui donne dans la Dream Pop-Shoegaze, j'ai davantage aimé leur chanson justement en spectacle que sur disque, où c'est pas mal trop léché à mon goût. Juste avant Film School, le bloc s'ouvrait avec Throw Yourself in the Water Again de Twilight Sad. Maintenant, on continue avec une nouvelle chanson de Parlour qui va figurer sur un maxi apparaître cet automne. Voici Hell Heaven sur le Terminus. We'll be right back.

C'était Winter Gloves avec Plastic Sides de l'album All Red paru au mois d'août. Avant, on avait Life and Limb de Fugazi de leur dernier album The Argument qui remonte à 2001. Et on avait commencé avec Hell Heaven des Anglo-Montréalais Parlour. On continue, ou on poursuit tout de suite avec The Horrors et Mirror's Image. Thank you. très bel est important pour vous. S'il vous plaît, gardez la ligne. Ici. Vous écoutez toujours le Terminus. Dans le dernier bloc, nous avions d'abord The Horrors avec Mirror's Image. Ensuite, Rails qui s'écrit avec deux R, deux A, deux I, deux L et deux S. Question de faire différent. Ça, c'est le projet de Adam Anderson qui a lancé en septembre son premier album appelé aussi d'une façon originale 1098 qui est disponible uniquement sur Bandcamp pour l'instant. La chanson When You Feel Like est un espèce de mélange de pop, shoegaze et lo-fi qui fait un peu penser aux Ravenettes et qui a beaucoup circulé sur Internet en ce début d'automne. Et on vient tout juste d'entendre Elephantine avec En attente d'un moment présent. On est arrivé au dernier segment de l'émission. Avant de vous dire ce qu'on va entendre, je vous rappelle que vous pouvez m'écrire au info@leterminus.ca. Ou encore, vous pouvez me rejoindre via la page Twitter ou Facebook de l'émission. Donc, on va se quitter avec du broadcast de l'album The Noise Made by People, paru en 2000, la chanson Come On, Let's Go. Mais avant ça, la formation de Fresh and Unleash qui sortiront cette semaine un album intitulé Play It Strange. Voici le premier extrait, Waterfall. Voilà, c'est pas mal ça qui est ça. À bientôt! Thank you. sais pas.